Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Simon Fitzbay avec la partie 2 de Brian Wilson dans Police Dead. Et les Incorrigibles nous parlent d'anatomie bovine dans leur chronique humoristique. Tout ça et plus à Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Rocky, votre émission du retour en pièces détachées. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Ah, pas mal de ça. Même si je suis un peu je suis un peu déçu de ma soirée d'hier. Parce comment que, ça, qu'est-ce que ça allait faire hier? Ouais, ben Elephantine, le spectacle a été reporté. Oh non! Je sais pas depuis combien de temps en fait c'était prévu, mais je l'ai su vraiment à la dernière minute. C'est Sophie qui m'a averti hier soir, juste à temps, qui m'a dit que le spectacle finalement a été reporté d'Elephantine. Donc il n'y a pas eu de spectacle. Je sais pas s'il y a des gens qui s'étaient déplacés pour y aller, mais finalement c'est reporté à une date inconnue encore. Ah! Très décevant. Qu'est-ce que t'as fait sinon? Non, mais je suis quand même allé voir les nouveautés de l'ONF. Ouais, ouais, c'était quand même c'est assez difficile, le film qu'il y avait hier, qui parlait de la traite des humains au Canada. Je pourrais t'en reparler peut-être tout à l'heure. Me traiter. Je vais te traiter. Tu me traiteras de ce que tu veux. Commençons l'émission. Vu qu'on suit les palmarès le mercredi, ben je me disais, tu sais, un extrait du palmarès francophone de demain en exclusivité, ça pourrait être pas pire. Hein? Ben oui, parce que toi, tu connais toutes les exclusivités, étant donné que tu es l'animateur des palmarès. C'est un privilège. On ne dira jamais assez. Donc, on va entendre un extrait qui va faire sa pénétration du palmarès demain. Hein? Voici Paul Épée, Presse Citron. À Assemblage requis au 89.1 FM. Elle va pénétrer le palmarès. Mmh! Sur la question et tant de monde pour des gens. jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Grenade et la pièce ce soir, c'est vraiment une très très bonne pièce. Ça, je la fais jouer régulièrement à l'émission La Dernière Porte à Gauche et il va en avoir du Monogrenade ce soir à l'émission parce que Monogrenade vont faire partie de l'édition 2010 des Francouvertes. Les participants ont été annoncés, donc tous les groupes qui vont participer à la ronde préliminaire ont été annoncés, mais l'horaire n'est pas sorti, donc on ne sait pas encore exactement. Ben, l'horaire n'est pas sorti sur le site des Francouvertes, mais les groupes, eux, le savent là, parce que si on va sur différents MySpace des groupes, ils savent quelle journée eux vont performer. Mais bon, l'horaire sur le site des Francouvertes n'est pas annoncé encore. Ils n'ont pas encore engagé leur stagiaire à faire mise à jour. Ça doit être ça, j'imagine. Mais quand même, toute la liste des groupes disponibles est là. Donc, si ça vous tente d'en apprendre un peu plus, vous pouvez aller faire un tour au www.francouverte.com où vous pouvez écouter l'émission La Dernière Porte à Gauche ce soir parce qu'il va y avoir une grande partie de l'émission qui va être consacrée aux Francouvertes. À chaque année, je suis ça d'assez près. Les Francouvertes, étant donné que l'émission est comme pas mal dédiée à consacrer au style de groupe qui se produisent aux Francouvertes. Donc, ça commence là, cette semaine, pour les prochaines semaines, jusqu'au début de l'été, on devrait en entendre pas mal parler. Et moi, j'aime tellement ça, les Francouvertes, que j'appelle ça les frandouillettes. Les frandouillettes. C'est confortable de même. Oui, puis en plus, c'est drôle que tu fasses ce petit jeu de mots-là, parce que cette année, moi, j'ai jeté un coup d'œil là, aux artistes qui vont être là cette année. Et puis, de façon générale, puis j'imagine que c'est un hasard, mais le son de tous les groupes qui sont présents au Francouvert cette année est pas mal plus tranquille qu'à l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de groupes rock, il y en a très, très peu. Il y en a deux, je dirais, là, des groupes vraiment rock. Sinon, c'est dans la pop ou dans la musique qui est très, très tranquille, même minimaliste pour certains. Oh, douillette. Ça va être très, très douillet cette année, je pense, les Francouvertes. Carlin, ça va être beau. Je vous en reparle plus tard, là, aux alentours de. Ben, après 5 heures. À 17, oui, passé 17 heures. Quelque part, là. C'est ça. Vers ces heures-là. Après l'Infocampus. D'accord. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. La voix que vous entendez juste devant moi, c'est Kiwan. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ouais. Vous savez qu'on a un site web, c'est sur assemblagerequis.com que vous allez retrouver la balado-diffusion de l'émission, la liste des pièces jouées et tous les liens vers tout le contenu qu'on mentionne pendant l'émission. Assemblagerequis.com. Exactement. Dans environ 15 minutes, Mathieu, on va recevoir Simon Fitzbé, n'est-ce pas? Oui, avec sa chronique Paul is Dead. Deuxième partie sur son portrait de Brian Wilson des Beach Boys. Mais pour l'instant, on va retourner en musique avec un autre artiste qui va faire partie des Francouvertes cette année, Bernard Adamus. On va entendre la pièce Le Fou de Lille à Assemblage Requis. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Va te faire ça clair dans l'angle de fleur. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Yeah, yeah. Champion du pétage de plomb. Y'a rien comme l'insatisfaction de faire des blagues derrière raison. Comme un troc de vidange avec les ailes d'un ange. Y'a une taverne dans mon cerveau, il sait moins de ce qu'il vous carreau. J'pète des plombs, pis j'envoie un simple de bout, pis j'taboute. Au show de Gatineau, j'prends pour l'Osile. Yeah, yeah. J'prends pour l'Osile. Yeah, yeah. C'est moi qui t'ouvre prêt ou bien le lot a fait exprès. Ah, parle de sa job pis du prix de sa robe. Quelque chose qui m'agace quand j'te regarde la face. Pleine de mascara, Joe's Bone, Common Gas. Fais ta gentille, va te poncer une gainée. Parce que j'ai le brain qui vrille quand je vois pas tout, t'es pépé. Sa grande mention de distinction, t'es un beau bonbon, mais tu goûtes pas bon. Va te faire ça clair dans l'or et le clair. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Yeah, yeah. J'épouse pas grand cause, à fond celle des gens qui osent. Cherche quelque chose dans la prose qui va me donner ma dose. Le désir m'aspire dans la caverne des délires. Chante avec des mots que je devrais même pas dire. La fleur coriace, faut que tu l'arroses. C'est là qu'arrive le miracle de la chose. La chanson noire, elle fait filer. se moule, fout l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Hey, hey. C'est tranquille, hein? Assez. Début d'émission en général, là, assez tranquille depuis 15 heures. C'est très relax, mais ça particulièrement. C'était Marie-Pierre Arthur avec la pièce Tout ça pour ça. Et c'est très bon. J'aime le style de Marie-Pierre Arthur. Je crois qu'on peut dire ça. Tout le monde aime ça. Ouais, même si cette pièce-là n'est pas si caractéristique de son œuvre au total. Là. D'habitude, c'est un petit peu plus vivant, un petit peu plus pop. Mais non, quand même, ouais, c'est du Marie-Pierre Arthur. Vous êtes toujours Assemblage Requis avec Yoann et Mathieu jusqu'à 17h. Nous, on se poursuit ça et on se divertit entre nous jusqu'à l'arrivée de Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead dans quelques minutes à peine. Ça peut porter un peu à confusion. On se divertit entre nous. Ouais, les cuisses se font aller. Mais c'est surtout les oreilles, je pense, qui se font aller avec de l'excellente musique. Tu n'as pas dit que mes oreilles étaient sur mes cuisses? Ah, c'est vrai. Ouais, c'est comme un genre de partie de Twister, finalement. C'est ça. Point bleu. Et en tout cas, pour l'instant, on va divertir vos oreilles à vous, auditeurs. Ah, cliché! Non, mais ce serait un bon slogan quand même. Oui, c'est un party dans vos oreilles. Tout le monde est invité. On divertit vos oreilles. On dirait le slogan de V, laissez-vous divertir. Mais par contre, si on dit on divertit vos oreilles avec nos cuisses, ça, ça n'a jamais été fait. Ah! C'est très vulgaire. J'approuve, par exemple. C'est au 89 FM, c'est fou! Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et maintenant, puisque c'est mercredi, il est 15h30, c'est le moment où on accueille Simon Fitzbé.

Alors voilà. C'était, merci Simon. Ça fait plaisir. Merci. Je pense que c'est ça, dans la chronique de Simon, il y a eu comme le teaser d'une émission d'assemblage, l'émission, la chanson thème par Vanessa Parietaire. C'était beau. Voilà. Avoir eu les thèmes de Simon, j'aurais tout mis les thèmes de Simon. Ah, le CD, il est ici. Tu me passeras ça. Non, je pense que je ne l'ai même pas. En tout cas, il est en quelque part. En fait, je pense que dans mon rack, tu me l'as, il est juste... Ah, ça se peut. Ben, il va être dans le lecteur CD demain matin parce que je vais le faire jouer. Cool. Ouais. OK. C'est ça. Bye. Bye. Salut, Simon. Donc, c'est ce qui termine la première heure, Mathieu? Je sais pas. Non. Penses-tu, non? Non. T'en veux encore plus. Oh, ouais, ben ouais. Plus de moments inconfortables. Et ajouter 10 minutes à cette heure-là. Pas sûr que ça va tout rester pour l'émission Le meilleur de ces fous vendredi matin à 6h30, rediffusion samedi 14h, soyez-y. Je suis d'accord. Vous écoutez, c'est vous, 89.1. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées qui se fait toujours mieux en équipe. On dit, faites attention. Là. C'est pas évident pour les genoux. Faites attention à vos genoux, une vieille devise. Ça. Ben oui, hey, crime, j'ai plus de devise, j'ai plus de slogan, de phrases pour moi-même. Mmh. Moi, j'aime bien utiliser plier les genoux. Plier les genoux. N'oubliez pas de plier les genoux, c'est très important. Étancer quelque chose, croyez-le. S'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, okay, oui. C'est un ancien blessé du dos. Expert en genoux et en dos. Ouais. On recommencera pas le silence inconfortable de tantôt. On aurait pu juste le faire durer, puis comme pendant la pause, comme juste arrêter de parler, puis revenir avec le même silence. Ouais, ça aurait été bon, ça. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, des silences inconfortables. Ça me manquait. La formation montréalaise Golden Isles et la pièce Zombie Heart à Assemblage Rocky. Hein? Exactement, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et on continue en musique, Mathieu? Ah, déjà? Non, je sais pas. Oui, oui, on continue en musique parce que tantôt, vous savez, dans l'émission, on va avoir la chronique humoristique des Incorrigibles. On va parler d'anatomie bovine, je vous dirais, d'une partie de l'anatomie. Un peu comme Lever, là, t'sais, le savon, là, t'sais, pour les... combien t'appelles? 2000. Parties, 2000, ouais. Partie de l'anatomie, je sais pas comment ils disaient ça. Sauf que ça, c'est juste une. C'est juste une et c'est pas une partie de votre anatomie. C'est vraiment l'anatomie bovine. Bovine, C'est une pièce, on peut dire. C'est une chanson, je pense, oui. Qu'on a des incorrigibles aujourd'hui. Ouais. Ça s'en vient dans quelques minutes, mais avant ça, on va entendre Still Life Still. Avec la pièce Pastel à Assemblage Rocky. Au milieu des tristesses, C'est Marching Through Your Head à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Oui. Oui. Avant, c'était Chinatown avec Tuesday. Oui, exactement. Dans quelques minutes, on va aller écouter, comme vous en parlez un petit peu plus tôt, la pièce, en fait, le capsule, si on veut, humoristique des gars des Incorrigibles qui nous parle donc d'anatomie bovine. Oui, c'est ça. On va les laisser pas, dire. Moi, si on n'arrête pas de dire l'expression anatomie bovine, c'est tellement une expression qu'on n'utilise jamais dans la vie. T'sais, personne ne personne parle de l'anatomie des bovins. Donc, ben, pas assez, c'est justement ça qui est beau avec les Incorrigibles. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Hein? Vous allez voir, c'est très, très pertinent. Ça s'est mis en à peine une dizaine de minutes après le prochain bloc qui commence avec les trois accords. Oui, on va aller écouter les trois accords avec une pièce qui est quand même assez différente au niveau du contenu, en tout cas, de le registre habituel qu'on est habitué des trois accords. La pièce de bureau du médecin, c'est là qu'on va entendre. La première fois que j'ai entendu les paroles, que j'ai vraiment pris la peine d'écouter les paroles, j'en revenais pas là. C'est vraiment c'est différent de ce que les trois accords font d'habitude. C'est très efficace. On va tendre l'oreille. Oui, tends l'oreille, Mathieu, aux paroles de cette pièce-là. Et puis aussi, est-ce que c'est nécessaire de vous rappeler? Je pense que oui, qu'ils vont être ici à Trois-Rivières en spectacle gratuit le 29 janvier prochain. C'est vendredi, pas cette semaine, vendredi la semaine prochaine. C'est encore des nuits polaires, donc en spectacle gratuit au Parc Champlain, ici à Trois-Rivières. Voici les bureaux du médecin, les trois accords pour l'instant. En attente du spectacle. En attente du spectacle. C'est comme une salle d'attente de bureau de médecin. C'est là, puis là, tu joues au Game Boy. Sors ton iPhone. Tu lis un Chatelain de 1998. C'est ça. Je suis Ben oui, c'était du extérieur. C'est quand même assez rare hein, qu'on joue ça. Ben un peu, mais c'est pas sans raison par contre. Non, c'est ça. C'est la première fois qu'on jouait du extérieur. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en joue assez fou. Et j'en entends pas souvent parler, mais c'est quand même, ceci étant dit, c'est quand même un bon groupe extérieur, même si je n'écoute pas régulièrement, je n'écoute pas vraiment en fait, mais je trouve que c'est quand même un bon groupe, surtout pour la démarche qu'ils font en général dans la vie. Tu sais que c'est eux qui ont fondé l'étiquette Slam Disc, qui produit vraiment beaucoup de jeunes groupes punk rock, donc pour la scène du punk rock, font vraiment beaucoup. Mais en fait, la raison pour laquelle on a fait jouer cette pièce-là d'extérieur, c'est vraiment plus pour le contenu de cette pièce-là, parce que pour ceux qui auront écouté un petit peu les pièces ou les paroles de la pièce, ou si vous avez déjà vu aussi le clip, dans le clip, c'est clairement indiqué. Le clip raconte vraiment l'histoire image vraiment les paroles de la chanson. Et on parle de faits réels. En fait, on parle de l'histoire de Robert Picton qui est un criminel. Là. On peut vraiment pas le décrire autrement. Disons les vrais mots, là. Un désaxé même, je dirais, qui habite dans le coin de Vancouver et qui est l'auteur apparemment de 49 meurtres de prostituées du centre-ville de Vancouver. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pas inutilement quand même, c'est pour vous faire un petit retour sur le film que j'ai vu hier à l'ONF. C'était le film qui était présenté hier soir, s'appelait Avenue Zéro. Et c'est un film qui parlait donc de la traite des humains ici au Canada. Donc on parlait vraiment de toutes les étapes en fait du trafic d'humains et de tous les types aussi. Tu sais, il y a plusieurs choses différentes qui sont considérées comme de la traite d'humains. Il n'y a pas seulement l'esclavage, ou en tout cas il y a vraiment tout plein de facettes différentes. Et on commençait par parler du passage des immigrants au Canada, donc qui est un peu souvent la première étape dans le processus de la traite d'humains. Et après, on parlait de toutes les sortes, toutes les différentes choses qui arrivent, soit des jeunes dans les gangs de rue qui se font recruter pour vendre la drogue. Et on parlait beaucoup, entre autres, parce qu'au Canada, le plus grand type de traite d'humain, c'est vraiment l'exploitation sexuelle, en fait, des jeunes filles qui se font acheter, soit qui arrivent de d'autres pays, dont on paye l'entrée illégale au Canada, donc après ça, sont obligés pour rembourser un peu l'argent qu'ils doivent, donc sont obligés d'être à la merci, finalement, de groupes criminalisés qui leur font faire un peu ce qu'ils veulent. Et à travers les témoignages de plusieurs personnes, plusieurs victimes de traite d'humain, plusieurs intervenants, à travers tout ça, il y avait un témoignage qui était vraiment dur, qui était un des plus durs, mais un peu des plus beaux en même temps, parce que c'est une histoire, l'histoire d'une fille qui s'est finalement sortie de tout ça. C'est l'histoire d'une Amérindienne qui venait du nord de la Colombie-Britannique, puis finalement qui est arrivée à l'âge de 12 ans, très jeune quand même, à Vancouver, dans l'espoir, tu sais, c'est quand même des histoires rough, là. Tu sais, elle avait 12 ans, puis son but, dans le fond, c'était de travailler, d'être hébergée dans une famille pour pouvoir garder des enfants. Là, finalement, tu te doutes que si elle faisait partie du documentaire, elle n'a pas vraiment gardé des enfants, là, elle a plus gardé des adultes, mettons. Donc c'est quand même dur comme traitement. Puis elle, son histoire s'est arrêtée. En fait, elle s'est sortie de tout ça le jour où elle a été prise par Robert Picton. Et il l'a amené sur sa ferme. Ce qu'il faisait, c'est qu'il habitait comme en campagne. Il y avait une ferme. Il amenait les prostituées qu'il ramassait à Vancouver. Il les amenait sur sa ferme. Et finalement, elles ne sortaient plus jamais de cette ferme-là. Ils disparaissaient là. Leurs corps ont disparu. Il y a plein de corps qui n'ont jamais été retrouvés, en fait. Mais lui a avoué avoir tué 49 filles. Et c'est ça, cette fille-là qui fait son témoignage, raconte qu'elle s'est échappée de la ferme de Robert Picton. Et c'est à partir de ce jour-là qu'elle s'est rétablie, finalement. Et aujourd'hui, elle est devenue intervenante dans les rues de Vancouver à intervenir auprès des prostituées. Des gens dans la rue. Donc bref, c'était vraiment rough comme documentaire hier. C'était assez, c'était assez choquant par bout, mais en même temps, c'est la réalité. Là. Donc, c'était très intéressant. En plus, il y avait la réalisatrice du film, Hélène Choquette, qui était là pour une période de questions par la suite. Donc choquant, bouleversant, mais quand même très intéressant hier. Et pour parler plus globalement, finalement, des soirées de l'ONF, il reste deux représentations. Il reste demain, jeudi, le 21 janvier, demain. C'est un film, j'ai pas le titre là, sous les yeux, je pourrais peut-être en reparler tout à l'heure. C'est un film qui parle encore une fois de l'exploitation, mais des enfants un peu partout à travers le monde, la façon dont les enfants sont utilisés, soit comme enfants soldats ou simplement pour travailler. Donc un autre documentaire qui risque d'être assez difficile. Et ensuite, mardi prochain, sur une note un petit peu plus légère quand même, on parle de la survie du chiac, donc la langue de Radio, radio. Exactement, donc la langue des Acadiens. Donc on parle de la survie de cette langue-là, le différent point de vue un peu à travers la francophonie, à travers tout le monde. Et donc, c'est ça, je peux vous donner tout de suite le nom, si c'est pertinent. Ben c'est sûr. Du film qui va être diffusé demain, qui risque, comme je le disais tantôt, d'être quand même assez dur encore, qui parle de des enfants qui sont utilisés comme employés ou de façon pas très catholique. Donc, c'est toujours diffusé comme toutes les autres représentations qu'il y a eu déjà. C'est toujours à 7h30 à la Maison de la Culture, ici à Trois-Rivières, à la Salle Anaïs, à La Rousseau. Et c'est gratuit. Le film de demain s'appelle « Des billes, des ballons et des garçons ». Donc, ça, c'est pour demain. Voilà. D'accord. Bon. Moi, changement de plan, Kiwan. Oui. On va tamponner avant de passer à de la chronique humoristique. Qu'est-ce que tu en penses? On va tamponner. Ben ouais. OK. Parce que je trouve que ça change trop de beat rapidement. On va écouter un petit peu de Wood Hands. Oui, c'est vrai. Hein? Ben, je suis pour ça. Vous allez comprendre tantôt pourquoi qu'on passera pas ça tout de suite. Tiens, voici Wood Hands et Pockets. Assemblage requis. L'émission du retour en pièces détachées. Au 89.fm. Oh, La pièce Pocket de la formation Woodhands, c'est leur album Remorse Capade, assemblage requis, qu'on aime donc cette pièce-là, moi je me tanne pas. Oui, c'est le 26 janvier, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on joue la pièce, mais le mardi prochain, le 26, l'album va être en vente. Enfin! Enfin! Mais non, mais c'est le moment des incorrigibles, vous savez, ils sont drôles ces gars-là, on les a reçus la semaine passée, ils nous ont fait un beau petit portrait de qu'est-ce que c'est les incorrigibles. Et depuis le début de l'émission, on n'arrête pas d'utiliser une expression bizarre pour décrire ce qui s'en vient à propos de la capsule des incorrigibles. Le contenu, faut le dire, c'est osé. Là, c'est pas pour les petits publics jeunes. Là. On n'arrête pas, bon, là, c'est pas si tard quand même, mais on n'arrête pas de parler d'anatomie bovine sans trop savoir ce que c'est en fait. Donc, on va le savoir dans la chronique des incorrigibles. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Je l'avais dit que c'était rempli de maturité, cette affaire-là. Ah, quand on parle de contenu... Vraiment, là, c'est bravo pour le contenu! J'ai déjà appris les paroles au complet par cœur. Ben, les paroles sont sur lyricswhatever.com, là, tu sais. C'est pas vrai. Non, sérieux, tu sais, la tune Around the World, Around the World, ouais. Elle a sa page de paroles sur des sites de paroles. C'est vraiment Around the World comme 42 fois, ça. C'est vrai. Bref, c'était la chronique humoristique des incorrigibles pour cette semaine. Les incorrigibles qui avaient, disons, promis... que leur site internet serait en ligne en fin de semaine? Ben, premier, en fait, Pat Laperrière, qui était supposé le mettre en ligne, avait fait toute qu'une promesse, en fait. Il avait dit, et je cite, via sa page Facebook, il avait dit que si le site des Incorrigibles n'était pas en ligne en fin de semaine dernière, il allait se brûler une couille dans le toaster et filmer le tout. Donc, moi, j'attends la vidéo, là. Ouais, et la semaine prochaine, en studio, on va amener un toaster. Ben, tu vas amener le tien, là. Non, façon, moi, j'avoue. Moi, je m'en sers pour mes toasts. Là, c'est ça. Sinon, il faudrait un vieux toaster qui pourrait garder. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, regarde. Donc, lesincorrigibles.tv, lesincorrigibles, il y a un Z au début de incorrigibles, lesincorrigibles.tv. Là-dessus, il va y avoir bientôt, un jour peut-être, des parodies vidéo, des sketchs humoristiques et du plaisir sans soucher, promet-il. Donc, allez voir leur page Facebook pour l'instant, facebook.com, tapez lesincorrigibles et c'est très facile à trouver. Oui, il y a même une nouvelle vidéo qui a été ajoutée hier, en fait. Ouais. Shave and Destroy 3000. Ouais. C'est assez intense. Donc, Patrick Laperrière, Jean-Gabriel Potier et le Hulk Nollet sont derrière ces incorrigibles-là. On va les retrouver à chaque semaine, tous les mercredis, ici dans Assemblage Requis. Soyez à l'écoute, surtout. Faudrait pas manquer ça, quand même. Hein? Faudrait pas. Grande balle, grande balle. Ça reste dans la tête, graine de bœuf. Hein. Vraiment, ça n'a même pas d'allure. T'as une graine de bœuf dans la tête, Quentin. Merci. Hey, Kiwan, t'as quelque chose? T'as une graine de bœuf sur le menton. OK. OK. OK. Nous, je pense qu'on va aller entendre une pièce que j'avais envie d'entendre parce que c'est. Tu connais François-Olivier Marchand, le gars des promos aussi, ça, comme les autres radios diraient. Le gars des promos! On va joindre le gars des promos! Lui, il aime bien Retatit. Retatat. Retatat. Retatat. Et puis, ça me tente d'écouter la pièce 17 Years. Vous allez la reconnaître si vous écoutez C'est fou une fois de temps en temps. Parfait, on l'écoute tout de suite. I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Bon, on sait que ça se fait pas, mais faut quand même interrompre la pièce parce que il y a à peu près une minute et demie, on vous parlait des incorrigibles et on parlait de la promesse de Pat Laperrière de, étant donné que son site n'est pas en ligne, qui se brûlerait, c'est toujours une citation, là, je vais me brûler une couille dans un toaster et filmer le tout. Eh bien, il y a exactement deux minutes, il a répondu à notre missive. Et, non, mais je fais mon intervention de bulletin de nouvelles spéciale. Oui, oui. Et c'est ça, donc il a dit que la vidéo sera en ligne. Donc, la vidéo de lui en train de se brûler une couille dans un toaster. Ben, il a juste marqué, la vidéo sera en ligne, les boys. Hey. Et c'est suivi de ha ha ha ha ha ha. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'il va réellement se brûler un testicule et nous filmer tout ça. J'ai hâte de voir ça. Et là, je pense qu'on est en train d'y fournir du matériel pour ses chroniques. Là, hein? Fait que, gars. Ben, en tout cas, si c'est game de le faire, moi, j'irai pas revendiquer quoi que ce soit là-dessus. Là. Je vais plutôt applaudir. D'accord. Bon, on va retourner écouter Ratata. On retourne à Ratata. I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head. You know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Ratatat avec 17 Years à Assemblage Requis. Excellente pièce. Pour ceux qui se demandaient tantôt pourquoi je disais que vous la reconnaîtriez peut-être, c'est la pièce qui joue dans la superbe pub du Carnaval étudiant 2010 qui se déroule en ce moment même. C'est ça la chanson. Oh, c'est... On révèle nos affaires pas mal vite. Hein? Donc c'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien évidemment. Hein? Ben oui. Oui, demain à 15h comme d'habitude. Oui, avec une super belle émission remplie de vidons, ladons, la question et de plein d'autres choses super viriles. D'ici là, par contre, ce soir, la radio continue de rouler. Hein? À 17h, c'est Kiwan qui vous attend avec la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui, Kiwan? Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, en fait, cette semaine, un petit peu plus tôt cette semaine, les groupes qui participent à l'édition 2010 des Francouvertes ont été dévoilés. Donc, ça va être une émission pas mal francouvertienne aujourd'hui. Frandouillette. Frandouillette, c'est ça le mot. Après la dernière porte à gauche, il y aura En attendant une émission de musique éclectique. À 19h, c'est du rap avec Volte-Face. Et à 21h, Psy-Théâtre pour de la musique électronique. Soyez à l'écoute pour ça. Et puis, soyez là demain matin, bien évidemment, pour Simon Fitzbé et sa pilule du lendemain à 7h. Et il y a le dîner de con à 11h. Nous, on va être là à partir de 13h avec les Palmarès C'est fou et Assemblage requis. Donc, soyez-y. Donc, à demain, Mathieu. À demain. On se quitte avec Orange Orange et Je pleure. Bonne soirée. Bye. Bonne émission qui va. Merci. Sont mes manières. Et je bonne émission, c'est pas dur à dire. Bonne émission, tu dis. Et je regarde la neige qui tombe, la fenêtre contre le nez. Puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. And I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me when will our story start. Je me regarde dans le miroir. Je calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure et je pleure. Et je pleure et je pleure. And